Raymond, on va séjourner 120 minutes sur CKRL, à CKRL, pas sûr, mais à CKRL, c'est à l'intérieur, pas sûr. On glisse pas. Ben, on peut, hein? Oui, moi, j'ai pas de problème. J'ai mis mes crampons. Ça, j'ai commencé ça! Attendez un peu, on va commencer l'émission avant de partir. Êtes-vous prête, madame? Monsieur? Mademoiselle? Et les autres? Parfait. Aujourd'hui, le lundi 10 février 2020, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kiki! Oui! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Vous vous demandez, est-ce que le mot « séjourner » est adéquat? Est-ce que j'ai trouvé vraiment l'appellation juste pour ce terme qui se présente à nous actuellement? Je vous dis que oui! Ou que non, mais ça, Raymond Queneau, il n'était pas d'accord là-dessus, hein? Il m'a appelé avant l'émission en me soulignant qu'il était tout à fait en désaccord avec cette projection d'ouverture qui allait nous amener peut-être, à son avis, un peu trop loin. Mais comme nous aimons dépasser toute structure narrative et on aime aussi se casser la gueule, et ça nous, là, quand on se la frappe, ça nous rend encore plus fort. Si tu ne prends pas de coups, tu ne peux pas apprendre. Hein? C'est dans les coups que l'on se reprend en main, hein? Avec la liaison, reprend en main. En main? Deux mains? Trois mains, en tout cas. Le nombre de mains que vous avez, il n'y a pas de problème. Alors, c'est de se relever et de poursuivre le chemin. Et on est bien parti. Errance Rénadienne existe depuis belle lurette. Et là, belle lurette n'a jamais été évaluée. Je suis tombé... Non, pas sur le cul. Je suis arrivé... Non, j'ai glané sur Internet ou j'ai surfé sur Internet pour... Et je suis arrivé sur un site qui propose de l'improvisation pour les enfants du primaire et du secondaire. Et ils ont des thèmes. Donc, je me suis dit, en ouverture d'émission, pourquoi pas utiliser leur sujet pour pouvoir nous lancer dans quelque chose peut-être d'intéressant. Alors, au hasard, là, je laisse descendre ma souris, vous ne me voyez pas, mais je vous le jure que je ne triche pas. Donc, on va prendre celle-là. Improvisation, la cinquième improvisation. Et vous vous demandez est-ce que c'est le primaire ou le secondaire? C'est la section secondaire. Alors, improvisation 5. Bon, là, le minutage n'a pas d'importance parce qu'à mon émission, on peut partir 20, 25 minutes, 30 minutes, il n'y a pas de problème. Le thème, c'est « Il suffisait d'un regard ». On est parti. Êtes-vous prêts? Attachez-vous avec du velcro. Quelle belle invention, le velcro! Moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai zoomé là-dessus. Tu sais, il suffisait d'un regard pour me dire que c'était peut-être l'invention du siècle. Mais là, se demander, est-ce que c'est plus important que le bouton à quatre trous? Hein? Il faut se la poser la question, là. Là, on ne dit pas n'importe quoi, là. Est-ce que le velcro a révolutionné notre société autant que le bouton à quatre trous, ou le feu, ou la roue, ou ça reclorait. C'est important de se demander ça, là. Parce que la roue nous a donné la chance d'avoir des automobiles, hein? Puis aussi de rouler sa bosse. Moi, en 57, quand j'ai vu pour la première fois une guitare Gibson, j'ai été tellement impressionné, non pas par la guitare, mais par les cordes. Parce que le musicien que j'avais rencontré, mais en fait, c'est un vendeur d'instruments. Et croyez-moi, il en avait à vendre. Il y avait la flûte traversière. La flûte qui traversait uniquement à lumière verte, elle. Elle voulait rien savoir. À rouge, elle arrêtait, puis elle ne voulait pas continuer parce qu'elle se disait que les contraventions, tu sais, c'est comme j'en parle souvent là, de Freud, de ça, le surmoi, puis le moi. Elle était certaine que si elle passait outre. Hein, si elle allait à l'encontre de ce que la société lui disait de faire, ben elle pourrait éventuellement, elle pourrait devenir délinquante et à un moment donné se retrouver hein, en prison avec des gens de très, très mauvaise fréquentation. Ticu Baudouin lui a fait de la prison 2 jours. 2 jours, mais non, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Lui, là, il regardait, il suffisait d'un regard, oui, pour se demander où il avait mis sa prothèse dentaire amovible. En un mot, son dentier. Donc, il cherchait avec sa langue, hein, dans sa bouche. Là, il s'est dit, mon nom, ma prothèse n'est pas là. Là, le stress a commencé à venir en lui. Puis là, c'est comme ça qu'il a utilisé son regard, ses yeux, pour zoomer, pour vérifier, pour scruter, pour scanner autour de lui afin de voir s'il ne pourrait pas, enfin, pour lui, trouver ce qui lui manquait, parce qu'il ne voulait pas sortir de chez lui sans ça. Voyons donc, sa blonde, sa copine, son amoureuse, l'a jamais connu sans dents. Et ses descendants, oui. Théodore Gautier, le métis vierge, ouais, c'est comme l'autre, eux étaient habitués de le voir sans dents parce qu'en fait, ils l'ont vu naître. Puis il n'y en avait pas de dentier, il paraît. Là, tout le monde s'était rencontré autour d'un feu, hein? Des gens, ben, pas confrontés, mais en tout cas, ben, quand les gens disent en tout cas, hein, ça veut dire que ça résume. Ils veulent pas trop réfléchir. Ah non, mais en tout cas, en résumé, on va prendre ça comme ça. Il faut pas chercher de midi à 14h parce que il est simple, il est uniquement minuit 9. Puis si on commence à aller plus loin, dans la temporalité ou dans la réflexion de la temporalité, on risque de ramer In Vitam Popperman. Et quand tu rames, ça peut paraître, ça peut se sentir. Ça, actuellement, croyez-vous que je rame? Bon, l'autre a dit oui. Comment vous faites pour évaluer? J'ai toujours cherché mes mots, madame. Je n'ai jamais trouvé le mot juste pour décrire la pensée réelle de ce que je veux dire à ce moment précis. Bon, il y en a qui disent... Il y en a qui... Oui, on m'a déjà dit que j'étais graveleux. Que veut dire graveleux? C'est Graveleux, c'est... ça va me revenir, là. Je vais trouver le terme exact. C'est rajouter des mots, là. C'est graveleux, c'est abonder. En fait, c'est une foire de mots. C'est un flux de mots. Flux, c'est pas... Oui. Manger du fromage, madame, ça risque de se résorber. Vous allez vivre heureuse, sans ballonnement. Et si vous en avez, respirez par le nez, évacué par l'anus. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Ben, c'est ça. Il suffisait d'un regard également pour lui dire. Fais-toi-en pas, tu vas le trouver, ton dentier. Là, t'es énervé. Rassemble tes esprits, mais là, rassembler ses esprits. Il dit où il est le râteau cérébral, le râteau intellectuel, le râteau qui n'est pas de ce monde, mais qui reste dans la réflexion, qui reste dans le chimère. Ben là, il doit être dans ta tête, là. T'as-tu un garage dans ta tête? Ce genre, hey, j'ai de la misère à avoir une maison et d'électricité dans la vraie vie, parce que tu peux l'avoir celle dans ma tête. Pis encore là, il y a tellement de meubles dans sa tête-là, il y a de la poussière, il n'y a pas de rangement. Puis on m'a dit que tout ce que tu avais entre les deux oreilles revit dans le monde réel. Ça veut dire que s'il y a un Capharnaüm langagé, imaginaire, ben, l'envie, ça risque d'être la même chose. Là, j'ai été un peu troublé. Mais voyons donc, qu'est-ce qu'elle dit là? Bon. Elle se cache derrière. Oh, mais écoutez, moi, j'ai de la connaissance. Moi aussi, j'ai de la connaissance. J'ai déjà connu le frère de Gaétan. 17 ans de service, lui. Il a fait 17 ans de service. On ne sait pas dans quelle discipline, là, parce qu'il se vantait tout le temps, mais 17 ans, moi. Ça fait, j'ai travaillé là 17 ans. Bon, ils ont dit où? Où? À quel endroit? Non, 17 ans. Ben oui, mais 17 ans. Je sais, le chiffre 17, c'est merveilleux. C'est beau, 17. Hein? 1 et 7, ça fait 8. 8, 2 boules. Sur un cornet, c'est merveilleux aussi. Mais là, 17 ans, à quel endroit? 17 ans en prison? 17 ans dans ton imaginaire? 17 ans dans une vie intraterrestre? 17 ans. Raconte-nous quel est le chiffre, la numérologie de tout ça. C'est 17 ans, oui, et... Oh, peut-être 17 ans, 3 quarts. Ben là, ben rappelle. Après 17, la soupape a levé. C'est certain, je me suis pas rendu à 18. Non, oui. Le chiffre, peu importe le chiffre, là. Qu'est-ce que tu faisais pendant 17, presque 18 ans. Tu sais pas ça, toi? Non. Tu sais pas ce que j'ai fait pendant 17 ans et 3 quarts? Non. Mais écoute, ben, moi qui est là... Êtes-vous vraiment là? Je suis là, mais pas sain d'esprit. C'est pour ça que ça fait des bonnes émissions, Mme Tremblay, là. Ben oui. Ben voyons donc. C'est certain. Ne doutez pas. Baissez les yeux. Courbez la tête. Et dites cette phrase que j'adore. Non. Rien de rien. Non. Je ne dirai plus rien. Bon, je sais que ça ressemble à une petite paf, là, mais ça, c'est exactement. C'est lancé comme ça, madame. Puis même si vous êtes contre ça, ça ne change rien. On le dit. Puis si on le dit, ben ça va rester. Puis si ça reste, ben si vous ne le prenez pas, c'est votre problème à vous. Ce qui... Il y a une belle expression là, qui s'en vient, attention. Là. Êtes-vous assis? Êtes-vous installé? Ce qui est dit, est dit. Oh mon Dieu! Ce qui est dit, est dit. T'as pas été chercher ça bien loin, là. Mais non, mais les expressions, ça sort tout seul, hein? Moi, ma mère était très forte sur des... elle était très... comment t'appelles ça, donc, les gens qui... des phobies, là, marcher en dessous d'une échelle, échapper à un miroir. Ouais, elle croyait vraiment à ces choses-là. C'était épouvantable, presque maladif. Et je les connais ben, à cause d'elle. Des superstitions. Elle était superstitieuse surtout, ça n'a pas de bon sens. T'échappais une cuillère, il y a de la visite qui va arriver. Si c'est une cuillère, c'est une femme. Puis à la rondelle de la cuillère, ben, elle va arriver par là. Si c'est un couteau, c'est un homme. Si c'est une fourchette, c'est Satan. Puis là, je suis arrivé. Ta-la-la! On le savait, c'était un être diabolique. Arrivant à Paris, dans un hôtel sur place Clichy, moi et mon ami, on se dit qu'on ne dort pas de la nuit. De notre fenêtre, on peut cracher dans le cimetière Montmartre. On aperçoit le Sacré-Cœur, on y est en un quart d'heure. Après avoir vadrouillé toute la soirée, on se débouche le petit rosé, histoire de relaxer. Quand soudain, voilà la pluie sur le boulevard de Clichy, et nous voilà minuit, et il pleut sur Paris. Le lendemain matin, on se lève très très tôt pour profiter des petits pains qui étaient encore chauds. En sortant pas très très loin de la station de métro, on voit le café de Moulin, on se prend un petit pernaut. Et sans se douter de ce qui allait nous arriver, on se dit à ce qu'on est bien, et vive les Parisiens. On apprécie le bistrot et on finit le verre de pernaut. Direction Place Concorde, on va voir les Tuileries. En arrivant dans le métro, apercevant un vieux clodo, un musicien s'accorde et un enfant crie. Dans le métro, sur la ligne 6, il y a un accordéoniste, un contrebassiste et un enfant triste. Et en fin d'après-midi, après le Louvre et les Tuileries, on rencontre Tony. Salut les gars, qui nous dit venez par ici. C'est ma soirée d'ouverture. Allez quoi les gars, je suis pas une frimure. J'ai des filles qui sont sûres, des fraîches et des mûres. Nous on est des gens polis, alors bien sûr on a dit oui. C'est là qu'on l'a suivi, dans la boîte à Tony. Ça faisait pas 10 minutes. Quoi, 200 balles pour tes putes? Allez file-moi les thunes, sinon moi je t'en colle une. Allons Tony, il faut que tu te calmes. Ici on n'est pas à Amsterdam. Nous on vient pas de Paname, c'est trop cher pour tes femmes. C'est là que tout s'est aggravé. Mon pote Tony s'est énervé. Nous on voulait sauver, ils nous ont fait patienter. Vous avez payé. Sortant tout éreinté, ça nous prend de quoi pour relaxer. En hurlant contre Panam, on rencontre Assam. Assam nous propose de la cam. C'est bon mon gars, on prend 3 grammes. Il nous suit à l'hôtel en disant que c'est nickel, c'est nickel. Il dit que c'est pour faire vivre sa femme. Dis plutôt que c'est pour payer ta cam. Allez allume pour que ça crame. Ouais c'est ça, vive Panam. Et le lendemain matin, en profitant des petits pains, confiant de notre chance, prise 2, on recommence. En passant devant le Moulin, après avoir acheté notre vin, faut passer chez Ludo, on se prendra un petit pernaut. Faut aussi acheter billets de train, parce qu'après tout on part demain, direction la Provence, le reste on s'en balance. Parce que le train, on l'a loupé. On se paye un taxi pour un hôtel pourri. On se boit une Canterbro. À la télé, y'a Colombo qui veut résoudre un crime. C'est pas de la frime. Putain, on voit jamais sa femme. Soudain, je repense à Sam. C'est peut-être un trablo. Là, je parle de Colombo. Et le lendemain matin, il n'y avait plus de petits pains. On a pris notre train et ce fut la fin. Merci, merci, merci, Pépé. Hey, vois-tu ce que je vois? Non, c'est « Entends-tu ce que je vois? » On recommence. Êtes-vous prêts? On recommence. « Entends-tu ce que je vois? » Mais, il était marié avec Rita. Pendant tout ce temps-là, puis il ne savait pas. Parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'est de partir à Las Vegas. Son grand rêve d'enfance, eh bien, en fait, d'adolescence, elle avait 12 ans et demi. Puis là, elle avait vu Elvis Presley à Aloha. Aloha. Non, pas hors la loi. Aloha, c'est ça. Ah ouais, pas la faire venir. Ah ouais, pas vraiment grand-chose. Mais en fait, elle avait des œillères quand elle était jeune, 12 ans et demi. Là. Elle voyait Elvis. Ah ouais. Que s'il dit, faudrait que j'y aille, moi-même. Mais là, ce qu'elle savait pas, c'est qu'on pouvait se marier. Tu sais, pas besoin de curé, de prêtre. Là. C'est, tu vas dans des genres de gîtes. Et dans chaque gîte, là, si t'aimes, je sais pas, le gothique, ben, tu vas voir la personne gothique, puis elle va te marier. Fait qu'elle a eu 19 ans. Elle était bien contente. Elle savait pas pourquoi. Non, non, hein. Je suis folle comme de la marde. Hey, l'expression fou comme de la marde. Ça existe, là. J'ai jamais compris pourquoi on dit ça fou comme de la marde. Parce que moi, quand j'en regarde, je suis loin d'être fou. Je peux être mal écœureux là-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux analyser. Oh! Oh! Faudrait que tu manges de la soupe au poids. Ou arrête de manger du fromage. Tu sais, je peux analyser. Mais fou comme de la marde, j'ai bien de la misère avec ça. C'est un peu comme, tu sais, des phrases comme ça qui ont été lancées sans savoir pourquoi. Mais il y a une histoire, là. Il y a l'historique de cette belle tangente que l'on utilise encore aujourd'hui. On peut délirer sur des faits qui n'ont pas vraiment été vérifiés. Mais c'est le plaisir aussi d'aller plus loin, d'extrapoler. Elle a chanté Mireille Mathieu, mais « Extrapoler, adieu, adieu l'amour. » Ah, on dirait la vraie, hein? Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, deux femmes, deux destins. Et ça ferait une belle émission, hein? Alors, Nana Mouskouri. Comment qu'elle s'appelle, l'autre? Nana Mouskouri. Oui, on l'a dit, monsieur. Oui, mais attendez, là. La mémoire va revenir. Nana Mouskouri. Oh, Mireille Mathieu. Deux destins. Deux vies. Oh, hey, ça donne le goût d'écouter l'émission, là. Sauf si elle chante, là. Mais quoi que Mireille Mathieu, ça, j'ai un peu de difficulté. Nana Mouskouri, ben là, c'est une interprète. Mireille Mathieu aussi, mais c'est sa voix du nez. Il y a une chanson de Clémence Desrochers qui en parle. Le monde est mieux, Mireille Mathieu, je fais patriote, je fais tout ce que je peux. Le monde est mieux, merveille Mathieu, c'est vrai qu'elle a une belle voix, un accent qui sort par le nez. Non, c'est pas vrai qu'elle a dit ça, pas comme ça, mais ça ressemble à ça. Je fais tout ce que je peux, le monde est mieux, merveille Mathieu. Et ça, c'est génial, cette chanson-là. Et puis, sinon, sur l'autre, ils n'en ont pas chanté, Nana Mouskouri. On a parlé beaucoup de ses lunettes. Je pense que sa carrière s'est faite sur ses lunettes. Puis aujourd'hui, quand tu la vois en spectacle, ben, rapproche-toi de ta radio. On va te divulguer quelque chose. Quand tu l'entends en spectacle, regarde-y les babines. L'important, c'est les babines. Regarde-y les babines. De Nana. Les babines de Nana. Avez-vous vu les babines de Nana? En 2018, j'ai vu le spectacle en Suisse, pour être plus précis, à Lausanne. Puis quand le gars m'a dit « Regarde les babines », pendant toute la soirée, j'ai regardé les babines. Là, c'est bien beau. Moi, j'étais dans le... Ouais, on appelle ça les enfants du paradis. En haut, tout à fait, là. En haut de la salle. J'avais pas payé cher, je voulais juste vérifier les babines. Parce qu'il paraît que c'est bien important chez Nana Mouskouri, les babines. Fait que là, j'hésite, je regarde, mais là, je vois pas vraiment de babines. Je vois deux lunettes. On aurait dû me dire, Renald, regarde les lunettes. C'est plus facile à fixer, là. Les babines, quand t'es loin, si on dirait qu'il y en a 4 paires, 6 paires, 12 paires, 15 paires. Je pensais que ma blonde était le même, elle. Je pense qu'il y avait 20 babines. Je la regardais, puis oh mon Dieu, ça va bien. Oh, la vie est belle, les oiseaux gazouillent, les babines s'en vont partout. Oh là là, la vie est belle, la vie est belle. Mais c'était pas elle, c'était Mireille Mathieu. Pas Mireille Mathieu, mais Nana Mouskouri. Fait que là, je regarde, j'essaye de zooter. J'ai des vieux yeux, moi. J'ai des jeunes os et des vieux yeux. Vieux yeux. Je recommence. J'ai des vieux os et des yeux yeux. Des yeux yeux. Des yeux yeux. Mais les zen et les ailes. Tous les mystères années. Tous les mystères années. Tous les sous la main. Kéling. Touloun. Malalang. Malalang et nolingang. Pénixtang à la ring. Téningsting. Mouling. Antanun. Antanun maningin. Maningin et sinin et mouni galayen. Aringé sinin. Ça me pas aller à l'école assez longtemps, je comprends pas ce qui se passe, là. C'est-tu un dialecte? C'est-tu une nouvelle langue? C'est-tu québécois? Monsieur, faites-vous. Est-ce que c'est du québécisme? Mais. Ça va pas très bien. Avez-vous... où est la sortie? Il n'y en a pas. Bon. C'est comme le labyrinthe, là. Il y en a... Bon, c'est la même chose. Fait que moi, je suis perdu, là. Je suis en plein milieu de nulle part, là. Un peu comme la nouvelle de Bukowski, là. Au milieu de nulle part. Avez-vous déjà lu ça, au milieu de nulle part, Bukowski? Hey... Quel livre intéressant. Le film Crazy Love, qui a été un film belge qui a été coté 6, mais c'est épouvantable parce que 6, là, c'est pas loin de minable. C'est 3 thèmes. C'est l'enfance, l'adolescence et l'adulte, vu par Bukowski. C'est merveilleux. C'est des courtes nouvelles de 30 minutes et ça donne un résultat frappant. Touchant, émouvant. Et pourquoi je disais ça, madame, là? Ah oui, ben oui, les babines, on parlait des babines. Puis là, je me rends compte qu'il y a des femmes, aussi des hommes. Il y a, tu sais, celui qui chante, voyons donc, des femmes. Jouvet, là. Je veux des femmes, des femmes, des femmes. En tout cas, lui, là, c'est tout ce qui bouge, là, maintenant. Il s'est refait les babines. Il s'est refait faire les babines. Et puis, les lèvres, ouais. Lèvres, babines, c'est la même chose. Mais, quand les babines te lèvent, les lèvres aussi vont te lever. Et puis, il place du collagène là-dedans. Pour faire grossir la babine, parce qu'il paraît que c'est beau, des belles babines. Quoique tout le monde, là, à la naissance, tout le monde a des lèvres. Vivons avec ce qu'on a. Ne changeons pas la nature. Puis si ça te traumatise, là, ben va donc chercher le pourquoi du comment de ce traumatisme-là. Au lieu de demander... à des des médecins plasticiens de te refaire le visage. T'as l'air de ce que t'as l'air. Ça a bien l'air bizarre, là. Est-ce qu'on peut... Oui, ça serait bien de demander à un esthéticien, en tout cas celui qui refait des visages. Seriez-vous capable, vous, professionnel? On parle de refaire encore. On va le renommer encore. Pourriez-vous refaire les mots? Hey, là, tu vas le voir. Alors, faites voir mon choix. Ça descend, voilà, là. Ça tombe à terre. Êtes-vous une bande dessinée, ouais? Pas charlatan. Ben non. Avez-vous des photos des réalisations que vous avez faites? Hey, ça, là, tu le bloques, là. Quand tu dis les réalisations, Peut-être. Peut-être. C'est jamais oui, c'est peut-être. Est-ce qu'on peut voir, là, les avant et après? Peut-être. Vous êtes la télé? Non, non. Je suis un client, là. Je suis un citoyen qui veut se refaire faire le front. Parce que moi, je trouve que j'ai du front. Comme tout le monde. Mais il se dégarnit. Mais je veux pas me faire ajouter des cheveux, moi, là. Je veux me faire rapetisser le front. Pour avoir plus de cheveux en haut de ce qui me manque. Est-ce que c'est clair, docteur? Pas vraiment, mais allonger des dollars, nous allons comprendre. Alors j'allonge, tu sais. Quand même, je travaille dans un milieu où l'argent coule de source, là, tu sais. Fait que là, je mets des billets doux, des mots d'avril, des rendez-vous. Et là, il m'a dit, revenez me voir. J'ai dit, comment ça? J'ai pris trop de temps. Non, faut que j'étudie votre cas. Ah, m'en amener une bouteille? Non, comment ça? Faut que j'étudie votre cas. Non, mais m'en vous en amener la vodka? Non, pas ce liquide-là. Votre cas doit être étudié pour pouvoir, bien sûr, vous satisfaire tout au long de notre rencontre. Tu vois, ça commence à faire peur, ça, là. Ce que vous dites là, c'est bizarre. Bizarre, ben non, mais... Je veux juste que vous me raccourcissiez le front, raccourcir le front, enlever le surplus pour que les cheveux que j'ai perdus descendent plus vers le sourcil. Tu sais, j'ai deux sourcils, là. C'est, êtes-vous capable de... Ben là, il dit non, la calotte. Il y a de la calotte là-dessus. Ben la calotte. Ça peut se descendre. Il dit, mais non, c'est le cerveau. Ben le cerveau, j'en ai pas tant que ça. Puis enlever de la matière grise. Puis il y en a plus de la matière grise avec les années, là. Puis j'ai arrêté d'écouter la télévision à cause de ça, là. Ça, je sentais, là, que ça dégoulinait la matière quand je regardais les émissions de télé. Pas les quiz. Mais ça dépend quel quiz. Mais là, en général, tu sais, t'es là devant ta télé. Puis là, quand tu es là, hein, inactif, donc passif, il te faut quoi? Des croustilles. Oh, des croustilles, des quoi? Après ça, tu sais quoi? Il te faut de la bière ou de la boisson gazeuse. Des chocolats. Puis là, tu prends de l'embonpoint, puis ton cerveau diminue. Tu dis, hey, je commence à ressembler à un États-Unien. Salon Bellinovi, y'a jamais de fête sans lui, je pars de l'alcool. Mais faut savoir comment consommer, moi j'ai appris dès la petite école. Y'a moins de chances que je panique et j'entends beaucoup mieux la musique avec l'alcool. Tu me donnes une mélodie et moi je t'écris une symphonie, en quoi? En sol. Oh, grâce à l'alcool, moi je peux profiter de la vie, même si ma mère est folle, mon père est parti. Moi je bois de l'alcool avec tous mes amis, et je ris, et toi tu ris aussi. Oh, petit verre au lit, je fais mieux l'amour aussi avec de l'alcool. Mon coup de zizi est précis, et toi tu jouis, tu cries, ouais, comme une folle. Même si ma mère est folle, mon père est parti. Moi je bois de l'alcool avec tous mes amis. Et je ris, et toi tu ris aussi. Avec l'alcool. La la la la, l'alcool. J'ai commencé à boire de l'alcool quand j'étais encore à la petite école. J'ai commencé à boire de l'alcool. Toi tu chiais et tu pissais dans un bol. L'alcool, c'est l'alcool. La, l'alcool. La, l'alcool. C'est l'alcool. L'alcool. j'aimerais me plaindre, M. Grenier. Comment ça? Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Oui, mais de un, c'est pas Grenier. Pardon? Parlez devant le micro. Ben oui, mais c'est vous qui prenez les devants. Ah, OK. Ah, c'est vrai. Vous avez bien raison. C'est plein de réflexions. Ce que vous dites là, M. Grenier, c'est pas Grenier, c'est Gagné. Ah, oh, M. Gagné, excusez-moi. Là, c'est, non, mais on aimerait ça, hein? Qu'est-ce que vous aimeriez? Ben, un 2 pour 1. Un 2 pour 1. Ben, 2 pour 2, OK? Ça veut dire 2, 1, 2, 1, 2 pour 1. 1. 2 pour 1. 2 doigts, OK? Tu vois 2 doigts, là? J'en enlève un, ça fait 1. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez dire par un 2 pour 1? On a entendu une petite chanson? Oui. On pourrait nous Non. Non, non. Clairement, dites-moi ce que vous voulez. Pourrions-nous en entendre une autre? Une autre? Chanson? Non. Non, une chanson à la fois. Comme le chantait le grand Carlos à la queue leu-leu. Oh, ah oui, hey. Ça, là, c'est intéressant. Carlos, chanteur populaire. Françoise Dolto, psychanalyste. Et le père était... Couché? Non, démoralisé. Démoralisé de voir tout ça. Hey. Ouh, la mère intellectuelle, le fils fanfaron. Et tout ça allait dans un son qui n'était pas ce qu'il voulait, le père. Il était découragé. Il disait, j'ai pas mis ça au monde pour rien, là. Ma femme qui réfléchit. Mon fils qui arrête de le faire. Des réflexions. Et moi qui contemple mon malheur. On dirait que j'ai un semblant d'éternité entre les deux oreilles. Mais quand je vois tout ça, c'est comme une toile. Là, la toile, on va la spécifier. Moi, ce serait plutôt pas de l'or brut, mais comment t'appelles ça? Exactement. C'est de la gouache, là. Pas juste de la gouache, n'importe quoi. De l'abstrait. On dirait que j'ai mis au monde une abstraction devant une colombe qui était prête à jubiler et à rendre le peuple heureux. Ouais, mais monsieur, oui. Carlos, il me semble qu'il a fait rire le peuple, puis qu'il était bien allumé, puis qu'il chantait, puis c'était du divertissement. Le divertissement doit être, bien sûr, pris en considération. Votre femme, elle, et c'était la réflexion. La matière grise. Lui, c'était les pieds, la joie de vivre, le côté rigolo, moins abscon. Abscon, moins noir, moins sombre. Quoique votre femme a bien sûr éclairé tout ce qui entourait l'enfance. Mais le petit garçon, lui, a voulu faire autre chose. Puis il a bien le droit. Pas obligé de suivre les parents. Comme disait Jean-Pierre Ferland, qu'est-ce que ça peut bien te faire si je mène ma vie tout à l'envers? Il parlait de ses parents là-dessus. Parce que son père, lui, avait une station-service. Il ne voulait pas faire ça. Il avait le droit. L'intérêt dans notre société et le plaisir dans notre société, c'est de s'offrir ce luxe-là qui est le droit de choisir. Oh. good about what I do in my rest. Never ever dress so real like this. We just want a red and white hair at all. Oh, what have you done with the money? Gotta spend it all really funny. You lost your mind, are you crazy? Out of these girls that are red thing at all. Aujourd'hui, le lundi 10 février 2020, l'errance, les erreurs. Non, mais j'ai trouvé. Je crois que c'est à mon émission de fin d'année. J'ai eu cette idée-là de faire Oh. Et j'adore. Je vais poursuivre, malheureusement, pour les gens qui n'aiment pas ça. Mais je trouve ça insignifiant quand vous faites I. Non, c'est pas ça que je fais, c'est Oh. Ouais, j'aime pas mes sons. J'aime pas. On dirait que vous vous dédoublez. Mais c'est ça le but. Faut se dédoubler, madame. On est à errance rénaldienne. Un ne fait pas un. Un fait des millions de personnages à la fois. Eh, monsieur. C'est des bouches à nourrir, ça. Oui. C'est des oreilles à remplir, ça. Oh, oui. Aujourd'hui. Attends un peu. Aujourd'hui, le lundi 10 février 2020. En plus, 2020, je préfère dire ça que dire 2020. 2020, c'est... C'est classe. Comme dirait Gainsbourg, c'est classe. Aujourd'hui, on va le dire. Faites-vous-en pas. Là, on part la cassette. Vas-y, Raymond, on part la cassette. Aujourd'hui, le lundi 10 février 2020, l'errance, les errances... J'ai-tu dit lundi? Tu l'as-tu dit? On l'a. Et le but? Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous pour la deuxième fois avec grand plaisir autour de mon ami. Enfin, pour moi, là, je sais pas pour lui. Tu sais, faire attention. T'sais. Comment ça va, Sarclos? Ça va bien! OK. Sarclos, je peux-tu te poser une question? Ah, vas-y! Okay. Alors, je vous présente mon ami. Puis là, c'est, quand vous allez l'entendre, c'est même pas vrai. C'est une blague. Alors, je vous présente la deuxième partie de 3 de mon ami, et j'espère lui aussi de son côté, quoique j'y crois un peu moins. Sarclos. Alors, à toi l'artiste. À partir de maintenant, c'est 100% de son génie. C'est parti. Et du con, t'as pas vu ce qui t'arrive. Je crois bien qu'il faut que je te l'écrive. J'ai fait un rond, je suis à la dérive, mais je vais te faire part quand même de quelques observations. T'as fait tes ronds dans la médecine dentaire. T'as bien gagné ta vie à grailler des molaires. Tu promènes sur les choses ton yeux réactionnaire. T'es con comme un balai, pas beau comme une soupière. Ta fille a pas 15 ans mais elle s'envoie en l'air. Des jules qu'elle fait rentrer par la porte derrière. Elle ressemble à une reine dans un rêve de Jaguar. Elle fume du shit comme une chaudière. Elle a tout le temps ses mains dans mes poches de derrière. Elle te fauche ton pognon dans le sac de sa belle-mère. Elle t'a assassiné en songe la nuit dernière. Et du con, c'est pas l'âge qui t'arrange. Ça me fait bien rigoler que mon air te dérange. T'as peut-être le sentiment que je me traîne dans la fange, mais je t'ai fait part quand même de quelques observations. Ha ha ha. J'ai une auto où il y aurait pas marqué turbo, il y aurait pas marqué fuego, ça fait zozo. Juste une plaque minéralogique, c'est logique et démocratique. Juste un moteur, et puis pas marqué GTI, ça fait carrément rikiki. Ça fait quoi faire, j'en ai marre. Je veux plus rien marquer nulle part, même pas Bordeaux sur mon pinard. J'en ai marre, j'en ai marre. Je veux plus rien marquer nulle part, même pas Le Pen sur mes cauchemars. J'en ai marre. Des caleçons, tout blanc et tout semblant coton, pour mettre entre mes pantalons et mes rostons. Juste en haut, un bon élastique, c'est logique et démocratique. Sur mes roupettes, je veux pas voir Gaston Lagaffe, ni voir dépasser des girafes de ma braguette. J'en ai marre, je veux plus rien marquer nulle part, même pas Samu sur mon brancard. J'en ai marre, j'en ai marre. Je veux plus rien marquer nulle part, même pas Gillette sur mes rasoirs. J'en ai marre. Sur mes costards, je peux voir marquer Pierre Cardin, ça donne l'air carrément crétin, vraiment ringard. Je veux plus qu'on me prenne par derrière pour un panneau publicitaire. Sur mes polos, Lacoste peut bouffer son croco, les vrais sont aussi faux que les faux pipop les mots. J'en ai marre, je veux plus rien marquer nulle part, même pas Lewis sur mes falzards. J'en ai marre, j'en ai marre. Je veux plus rien marquer nulle part, même pas Gibson sur mes guitares. J'en ai marre. Quand c'est pour vous bourrer la tasse, ils sont plus forts qu'à l'agence TAS. C'est dégueulasse, ils achètent l'opinion publique. C'est logique et démocratique. Dans 40 ans, on lira Colgate sur nos dents. Pampers sur les culs des enfants, comme c'est charmant. J'en ai marre, je veux plus rien marquer nulle part, même pas Gillette sur mes rasoirs. J'en ai marre, j'en ai marre. Je veux plus rien marquer nulle part, même pas Samu sur mon brancard. J'en ai marre, j'en ai marre. Je veux plus rien marquer nulle part, même pas Le Pen sur mes cauchemars. J'en ai marre, j'en ai marre. Je veux plus rien marquer nulle part, même pas Bordeaux sur mon pinard. J'en ai marre. L'amour faut mettre dans les combien pour avoir quelque chose d'utile. Y'en a des, mais pas les moyens. Peut-être il faut pas se faire de billes. Y'a un gars qui était directeur dans l'industrie métallurgique. Sa femme s'est tirée en Afrique avec un petit plombier zingueur. Allez comprendre. L'amour, faut faire ça vraiment bien. Faut pas qu'il ait l'air trop fragile. Vous savez, moi j'y connais rien. Y'a intérêt à être agile. Moi, mon beau-frère, il est bricoleur. Sa femme, elle est partie quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on vous aime? Est-ce qu'on peut pas vivre sans bonheur? Je pose la question. L'amour, faut mettre un peu du sien. Peut-être il faut mettre une goutte d'huile. Il faut être un peu praticien si on veut pas faire l'imbécile. J'ai un frangin gynécologue amateur dans le Loir-et-Cher. Et sa gonzesse s'est fait la paire avec un vendeur de hot dog. Que fait la police? L'amour faut s'y mettre à combien pour qu'il ait pas l'air trop débile? Peut-être avec quelques soutiens, ça peut être un peu moins hostile. La femme de mes cousins germains, des jumeaux, s'est fait foutre en cloque par quatre siamois ventriloques, les artistes du cirque de Pékin, y'a qu'à voir. Qui fait vraiment du bien, celui qui met vraiment dans le mille. Oh bon, vous savez, moi j'y connais rien, y'a intérêt à être agile. L'amour qui fait vraiment du bien, celui qui met vraiment dans le mille. Oh bon, vous savez, moi j'y connais rien, mais ça a pas l'air trop facile. C'est en fouillant dans une poubelle qu'elle a trouvé, si belle. Elle a pas pu la laisser là, dans sa petite robe par ce froid. Alors elle l'a emmaillotée dans un journal qui titrait qu'avec la chaîne du bonheur, ils ont fait un tabac cette année. Elle l'a rangée entre les cartons dans son chariot à commission, entre les sacs et les habits, et tous ces trucs qui ont pas mal servi. Et puis elle a repris son chemin sur les trottoirs, dans les jardins, avec au chaud dans son caddie sa nouvelle petite amie. C'est une poupée jolie à croquer, avec plein de fleurs sur sa robe, presque pas usée, mais qui a osé lui arracher un bras. Ça c'est moche. C'est peut-être Sophie ou Justine, quand elles jouaient dans la cuisine, pendant que leur maman préparait un beau poulet surgelé. Elle le mangera avec les gamines, vite avant de partir à l'usine. Noël ou pas, faut aller bosser, sinon qui sait qui va pouvoir payer. Depuis que papa s'en est allé, ben voilà, on fait aller. On fait comme on peut avec l'amour, et c'est pas Noël tous les jours, mais aujourd'hui c'est Noël, et grand-maman s'est fait belle. Elle va peut-être nous apporter une nouvelle petite poupée. C'est une poupée jolie à croquer, avec plein de fleurs sur sa robe, presque pas usée, mais qui a osé lui arracher un bras. Ça c'est moche. C'est un monsieur respectable qui téléphone avec son portable à 100 à l'heure sur le pavé dans sa grosse BMW. Il a beaucoup de travail à Noël, puisque c'est lui qui tire les ficelles de plus de 2000 marionnettes qui font des poupées en jupette. Alors au croisement d'une rue, il roulait si vite, il a pas vu cette petite vieille, une sans-abri, qui traversait avec son caddie. Elle est couchée entre les cartons de son chariot à commission, entre les sacs et les habits, et tous ces trucs qui ont pas mal servi. Et une poupée jolie à croquer, avec plein de fleurs sur sa robe, presque pas usé, mais qui a osé lui arracher un bras. Ça, c'est moche. C'est être le porte-avions d'un certain nombre de projets. Porte-avions, c'est-à-dire que les avions, c'est eux qui trouvent l'essence, et puis qui se renvolent, et puis qui vont là où ils veulent. Mais de temps en temps, ils peuvent se poser chez moi. Mmh. Et je suis content de faire ça. Et là, les chanteurs qui sont là ce soir, c'est un peu ma capacité à faire porte-avions, au sens où on peut se réunir ici, on peut se trouver ensemble, et on peut partir d'ici pour aller là-bas. Voilà. Tu connais Marjolaine Piémont? Oui. Je l'ai rencontrée cet après-midi, elle te disait un beau bonjour. Oui. Elle s'en va à Avignon, oui. Tu sais. Oui. Elle s'en va lundi, et oui. elle voulait que je te salue. Ouais. Donc, c'est une grande dame qui a commencé il y a 3-4 ans, ouais. Et qui travaille fort, qui est rendue là, puis c'est surprenant. Ouais. Elle a une belle écriture. Alors, moi, ce que j'avais entendu il y a une année, c'était assez variété française bizarre. Je n'arrivais pas à cerner. Puis effectivement, on m'a dit qu'on avait entendu des choses un peu plus intéressantes maintenant, on verra ce que ça donne. J'aime beaucoup son mari, qui est un bon copain à moi. Je ne connais pas. Tu vois pas qui c'est? Je connais pas, non. Mais elle m'en a jamais parlé. Oui, mais c'est la femme de Vincent Baghien. Ok. Vincent Baghien, il a fait de très bons disques de chansons à lui. Et puis, il a été le parolier d'un grand nombre de comédies musicales qui ont été faites sur ceci, cela, je ne sais plus lesquelles. Il a collaboré au livret, donc il a plein de thunes, tout va bien. Mais c'est un type sympathique et drôle. Et c'est le copain de... C'est le mari de Marjolaine. Et alors, bon, j'ai connu Marjolaine comme ça, et puis, voilà, elle est dans l'autre théâtre d'Avignon où il va y avoir de la chanson. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Dans Rache-Cœur, oui. Elle fait 50 minutes. Est-ce que tu sais comment elle va finir son spectacle? Non. Eh bien, imagine, comme elle doit faire 50 minutes, puis elle doit libérer après 50 minutes, pour elle, elle va faire une chanson et le public va la suivre à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Oh! Ouais. Excusez. OK, ça vient de toi. Ouais. Ah! Oh. Ah bon? Je disais au public, vous savez, les salles sont chères à louer ici à Avignon, on n'a pas le temps de faire les rappels dedans, vous allez m'attendre dehors, je vous fais le rappel dehors, puis vous pourrez distribuer les tracts. Mais crois-tu que c'est elle qui a pris sur toi, a pris l'idée sur toi? Je lui en ai parlé en tout cas, oui. Ah ok, ah, c'est ok, elle a pris l'idée sur toi. Non mais bon, elle l'a pris, c'est des idées, c'est fait pour être utilisé, mais c'est, ouais, c'est une bonne idée. Oui, mais très... c'est bien quand ça, c'est une idée originale. Ça marche très bien. Non, mais... c'est bien quand c'est original. Ouais. Génial. Ouais. Dans ton travail, tu as commencé, pourquoi tu as voulu faire de la musique et non pas de l'architecture au début, à un moment donné? J'ai fait de l'architecture. Oui, mais pas longtemps, tu l'as abandonné. Ici, c'est de la merde. Non, j'ai fait des maisons pour les gens, j'ai fait des maisons pour moi, j'ai fait des maisons pour les clients. Okay. J'ai eu des copains clients, j'ai eu des clients copains, j'ai eu de la famille qui m'a demandé des maisons. J'ai fait pas mal de maisons. Okay. Toujours des rénovations. J'ai fait une fois un truc neuf, c'est un truc où tu creuses par terre pour faire des caves. Mais sinon, j'ai toujours fait des rénovations. Et tu vois, là, les escaliers, c'est moi qui les ai soudés. Okay. La poutraison, c'est moi qui l'ai posée. Qu'est-ce qui... vois-tu quelque chose qui ressemble à la musique lorsque tu crées... Non. Non? C'est pour ça que tu aimes les deux... les deux médias? À mon avis, il n'y a pas de passerelle. OK. La passerelle qu'il y aurait, c'est que si tu veux, quand tu fais de la musique, il faut avoir un éditeur et puis tu dois mettre les contrats dans un classeur. Et puis, quand tu fais des maisons, tu dois avoir un assureur. Ouais. Et tu dois mettre les contrats dans un classeur pour garder... Ça, c'est l'emmerdement commun, c'est qu'il faut garder des classeurs contre un mur avec la trace de tes droits, de tes obligations. Ouais. Sinon, tout est différent. Qu'est-ce qui te fait prendre le crayon et écrire une chanson? Est-ce que c'est ce qui se passe dans les médias? Est-ce que c'est la vie des amis qui te... Est-ce que c'est l'entourage qui va te faire prendre le crayon ou si c'est toi qui, à un moment donné, un ras-le-bol, tu veux raconter une histoire? Puis, tu sais, la société est devenue quand même assez. On essaie de proposer à la télévision, hein, on essaie de nous amener à avoir peur pour facilement nous rendre, peureux de tout ce qui se passe. Hein? On a peur de tout ce qui se passe parce qu'on ne connaît pas. Hein? Quand on ne connaît pas, c'est plus facile de nous amener à... C'est une question ou un discours que tu es en train de faire? Non, parce que là, il y a plein de sons bizarres. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Est-ce que c'est la société qui te fait prendre le crayon? Non. Ou si c'est ta vie privée? Ou... C'est rien? Tu tombes sur une phrase qui sonne. Puis cette phrase qui sonne, tu te dis, mais ça, c'est peut-être début. C'est peut-être la mèche. OK. Puis tu tires sur la mèche pour voir où elle va. Puis, okay. Mais... tu vois, j'ai écrit une chanson qui s'appelle On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. Mais c'est une idée que j'ai souvent eue, mais le jour où tu tombes sur la phrase comme ça, on n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles, tu te dis, mais... Bravo. Ah ben, celle-là, je l'ai. Et puis tu défais la plotte et puis tu racontes les choses qui sont... par exemple, mon copain Michel Buller, j'étais avec lui hier soir... plus il est vieux, plus il dit volontiers, on vit une belle jeunesse. À la mort de Pierre Bachelet, je m'ai fait une voilée de rognon. En chantant d'un air qui irait, t'es mort, j'ai mis du citron. Hervé Villard, Sylvie Vartan, ils sont toujours là, on attend. Yves Duteil, Gérard Lenormand. C'est pareil, ça prend un moment. Une petite joie de temps à autre. Tout peut pas venir en même temps. On joue une partie après l'autre, et ça suffit pour être content. À la mort de Jean-Paul II, ils ont rien dit, on n'a rien su. On aurait pu jouir un peu, mais c'est passé inaperçu. Puisque tu rappelles ce qu'il aime, et qu'il aime pas les bonnes chansons, je vais pouvoir vieillir sans problème, avec ma bonne amie Gaston. Pierre Bachelet, je m'ai fait une poêlée de rognon. En chantant d'un air qui aurait t'es mort, j'ai mis du citron. Plutôt jolie, deux gamins tournés vers la vie. Sur le chemin derrière Jojo, c'est Gaston qui a fait la photo. Mais rien sur l'image ne dit que c'était le dernier samedi de leur grand-mère à la maison. Entre sagesse et déraison, le maïs n'est pas coupé et les petits sont occupés en descendant sur le chemin à faire des signes avec les mains. Joie simple de deux enfants, mais rien sur la mort de maman. Et le Jura ne ressort pas dans la brume de ce jour-là. Elle adorait cet enfant blond, ses quelques baisers sur le front. Ils échangeaient comme de l'amour. Elle est partie en quelques jours. On a fait le tour du village avec deux enfants du même âge. Ils vont vers la vie à grands pas. La mort ne les regarde pas. On voit sur la photographie deux enfants de dos qui sourient. Ils vont vers la vie à grands pas. La mort ne les regarde pas. Pas d'amour aujourd'hui, mon café va sentir l'ennui. Mon pinard aura le goût d'eau sale, c'est un scandale. Et quand je pense aux gens dans la rue, qu'on parle à l'en avoir non plus, et qui sont là comme ça tout le temps, c'est dégoûtant. Ce matin je me suis réveillé, peau collante et ventre brouillé. Je me souvenais plus que ça faisait si mal, c'est infernal. mieux quand tu revenais, quand tu partais pas pour de vrai. La journée va durer des heures et ça m'écœure. Tu sais, j'ai bien assez à faire pour pas trop sentir mon désert. Et je vois même plus les filles qui passent, c'est dégueulasse. Je sais la douceur dans tes mains et la lumière dans tes cheveux. Je n'y vois bientôt plus rien, c'est malheureux. Je voudrais encore, tu sais bien, me sentir beau devant tes yeux. Me sentir aimé pour un rien, j'étais chanceux. Ah pourquoi c'était parfait, j'ai pas commencé cet effet. Comment j'ai pu sentir tout ça, on en est là. J'ai pas eu d'amour aujourd'hui, mon plumard va sentir l'ennui. Mais j'aime pas pleurer dans la rue, c'est mal fichu. J'ai pas eu d'amour aujourd'hui, mon plumard va sentir l'ennui. Se coucher le plus tard possible, c'est pas terrible. C'est 50 ans, donc c'était il y a longtemps, c'était il y a... Peut-être c'est 60 ans. Ok. J'étais à ses 60 ans avec un autre copain, un chanteur. Puis je lui dis, on vit une belle fin de vie. Puis il me regarde, avec les yeux qui s'allument. Oh, oh, oh, ouais. Puis je lui dis, tu la voudrais celle-là pour faire une chanson? Il me dit, ah, puis... ouais, c'est pas mal. Je dis, on fait un concours, le premier qu'il a écrit, il a gagné. Il me dit, d'accord. Et puis moi, j'entre chez moi, je me dis, je ne vais pas lui donner cette chanson, je vais la faire tout de suite. Et puis, j'ai fait, on aurait une jolie fin de vie, mais il faut bien le dire, il y a les filles. On les voit aller revenir, et c'est ça qui nous fait tant souffrir. Quand revient la jolie saison, la peau douce autour de nombril, nous met le cerveau sur le grill, vu la pénurie du coton, la culotte, rendue ficelle, leurs fêtes, elles n'en sont pas peu fières, en seconde décolleté derrière, qui nous vaut des lancers cruels. On aurait une jolie fin de vie, mais faut... je rigolais sur le fait qu'on regardait les filles comme des vieux cochons. Oh, oui. Si tu veux, tout d'un coup, tu as une phrase qui tombe, puis tout d'un coup, tu te dis, ah, mais celle-là, elle est tombée à la bonne place. Et puis, c'est peut-être un élément, c'est peut-être un... J'ai creusé. C'est chouette, j'ai creusé. Et puis, bon, ben... On a demandé à Cohen si c'était une bonne idée d'avoir donné le prix Nobel à Dylan. Il y a une discussion. Ouais. Et il a répondu, c'est comme d'aller sur l'Himalaya et de mettre un panneau avec écrit « Ici, il y a une grande montagne ». C'est une espèce d'évidence. Ouais. Alors, si tu étais en face de Bob Dylan, tu ne lui poserais pas la question que tu viens de me poser comme ça. Parce que c'est, y a pas besoin. Mmh. Alors, c'est l'évidence. Ouais. J'ai envie de te répondre. Moi aussi, j'écris en tant que génie. Mais je me considère pas comme génial à cause de ce que j'écris. Mais je pense que de se considérer comme génie, quand on travaille, de se mettre au-dessus de toute contingence, au-dessus de toute logique, et de se sentir libre de faire comme on veut et ce qu'on veut, ça permet de faire les choses qu'on a à faire, pour de vrai, de les faire bien. C'était un journaliste qui nous posait une question à Gérald Poussin, qui est un peintre genevois magnifique, et moi, on était les deux dans la même pièce, et puis le journaliste me pose la question à moi, et Poussin lui répond, c'est pas la peine de poser des questions comme ça, Sartre Loret, il travaille en tant que génie comme moi. Et puis, en fait, ce Gérald Poussin, c'est la modestie même. C'est le plus modeste des types modestes, tu sais. Mais tout d'un coup, de dire, on a la nécessité de travailler en tant que génie. C'est-à-dire, vous pouvez poser vos crayons, vous pouvez poser vos... Tu vois, les choses vont être tellement lumineuses qu'il n'y a pas de questions à poser. Je lisais ce matin avec mon fils Albert un interview de Dylan qui était fait après son Olympiade 1965, un truc comme ça. Et puis, le journaliste pose une question. Puis alors, Dylan lui dit « Est-ce que vous avez compris votre question ?» Et le journaliste dit « Oui ». Et puis alors, Dylan lui répond « Je ne réponds pas aux questions claires. » Voilà, ouais. Il y a un journaliste qui lui pose une question, il lui dit « Est-ce que vous êtes marié ?» Et Bob Dylan lui répond « Je mentirais si je répondais à cette question. » C'est tellement drôle, cette attitude-là, de dire, bon, entre la question et la réponse, il faut mettre un espèce de glacis d'incertitude, un espèce de glacis de... On s'attend à quelque chose, mais ça arrive pas. Et ça crée un voltage dans l'entendement qui est très intéressant. Oui. Alors ça, il a une classe pour faire ça que je n'ai pas. Est-ce que dans l'écriture, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tu sens la même ligne, le même fil conducteur, ou non, c'est tu le vois selon tes idées, selon tes flashs? Est-ce que tu regardes souvent ta discographie en disant, ben ouais, ok, je peux sentir que là j'étais rendu à ce niveau? Écoute, c'est marrant, mais j'ai entendu un interview de Brassens hier, j'ai écouté. Une interview qu'il a fait 2 ou 3 ans avant de passer à la Gamelle. C'est pour Radioscopie ? Non, okay. C'est un truc de France Culture. Et le type lui dit « Est-ce que votre écriture a changé ?» Et l'autre, il répond « Écoutez, au début, j'ai écrit Les Bains Publics, j'ai écrit La Mauvaise Réputation. Creuser un sujet. Mais ces sujets-là, ils sont creusés. Donc je peux pas aller les recreuser. Parce que le trou, il est fait. Il y a déjà la lumière dans la mine. Il y a les poutres pour pas qu'on prenne les cailloux quand on va. On peut aller jusqu'au fond de la mine pour sortir. La chanson est faite. Alors il faut que je trouve d'autres mines à creuser. Et c'est pour ça que je ne crée presque plus maintenant. Parce que je pense que je suis allé un peu dans toutes les mines que je voulais. Je voulais explorer. Et alors, évidemment, quand j'avais 25 ans et que j'écrivais une petite branlade, c'est comme une promenade, ça fait se raconter des choses. C'est très bien, je suis très content de l'avoir écrite. Ou bien quand j'écrivais « Dieu est une magouille de l'opposition », ça me fait rire, je suis toujours content de l'avoir écrite. Ouais. Mais j'ai plus besoin des erreurs, ça l'ai déjà faite. Et des espèces de déconnades comme ça, il n'y en a pas tellement à faire. Dans les choses qui m'entourent, j'ai peut-être un peu exploré tous les trucs. Donc, après, sur mon dernier disque, il y a une chanson où je suis en colère contre les sculpteurs de giratoires. T'as sûrement vu des tas de gens qui ont mis à l'entrée de la commune un giratoire avec soit une sculpture moderne, soit une sculpture... Mais c'est horrible, tout est laid, il n'y en a pas une de réussie, c'est dégoûtant. Alors, j'ai fait une chanson contre les sculpteurs de giratoire, mais évidemment, c'est une chanson de vieux, ça. C'est une chanson de mec qui a plus de machin à se révolter. Il n'y a pas besoin d'être révolté. Il n'y a pas de révolte à avoir contre les sculpteurs giratoires. C'est juste des cons, tu vois. Mais c'est des cons qui sont le beau-frère du maire, alors du coup, ils ont la subvention pour faire la sculpture. Dimanche soir, baby, mais on va te foutre dans ta baignoire. On va te raconter des histoires, te couper des tranches de sauciflard. Et même que dès que t'en auras marre, on peut t'apporter ton peignoir. T'iras te glisser au plumard avec un grand verre de pinard. Dimanche soir, baby, on va te foutre dans ton plumard. On va bouquiner des polars en mâchouillant des carambars. Et même que dès que t'en auras marre, t'as qu'à ruer dans les brancards, dire que les gens sont des jobards et que t'as le droit d'avoir le cafard. Dimanche soir, baby, hebdomadaire obligatoire. Lundi s'amène comme un mouchard, il va rien laisser au hasard. Mais on va bouffer du caviar, on va fumer des gros pétards, on va jouer à Colin Maillard et faire des tours en balançoire. Bonsoir, baby. Encore une journée qui s'égare. Elle vient quand elle se réveille sous mon édredon trouver des jurons qu'elle me dit trop fort à l'oreille ou qu'elle crie devant son miroir. Mais moi, je voudrais savoir quel est l'enfant de salaud qui lui a tiré son vélo. Elle met, quand elle se réveille, sa jolie jupe rouge qui tourne et qui bouge quand elle va courir au soleil ou danser devant son miroir. Mais moi, je voudrais savoir quel est l'enfant de salaud qui lui a tiré son vélo. Elle prend, quand elle se réveille, deux ou trois poupées pas bien fagotées. Elle en a tout plein sa corbeille ou planquée derrière son miroir. Mais moi, je voudrais bien savoir quel est l'enfant de salaud qui lui a tiré son vélo. C'était pas grand-chose, un petit vélo rose, juste une bicyclette avec des roulettes. Mais ça fonçait sur les trottoirs et c'est pour ça que je voudrais savoir quel est l'enfant salaud qui lui a tiré son vélo. Elle a 5 ans depuis 3 mois, le temps défile comme un salaud. Elle a les fesses et les yeux beaux et sa vie se fout bien de moi. Et moi, je voudrais savoir ce qui traîne derrière les miroirs. On va aller chez Courageo, il va lui trouver un vélo. Cette photo qu'on a faite à la mort de maman, la brume claire d'automne et les mômes dedans. Ça sentait les champignons, les pommes. Ça vivait tellement On était tristes, mais c'était bon. Il en est resté une chanson, une image qui rend heureux. Ça peut bien servir de nos jours, une image qui arrête un peu le cours de la vie qui court. On peut dire de cette fille qu'elle aimait la lumière. On peut dire de sa vie qu'elle était dedans. Et y a un tournant d'une rivière qu'elle aimait tellement qu'elle aimait tellement. Elle appelait ça le paradis. C'est un peu idiot, mais joli. Une image qui rend heureux, ça peut bien servir de nos jours. Une image qui arrête un peu le cours de la vie qui court. De cet été, cette fois, il nous reste une photo. Albert là-bas qui plonge tout droit de dos. Il est presque à l'eau, droit comme un couteau. Il est tellement beau, il est tellement beau. Presque à l'eau, là où je vous ai dit, à un mètre du paradis. Une image qui rend heureux, ça peut bien servir de nos jours. Une image qui arrête un peu le cours de la vie qui court. J'ai quelquefois la main d'un enfant dans la mienne. Et l'autre est inutile et vide dans le vent. Juste un maillon crétin vers le bout de la chaîne. Brisé tellement, brisé tellement. Je suis le petit bout qui pend, même si j'ai l'air un peu plus grand. Une image qui rend heureux, ça peut bien servir de nos jours. Une image qui arrête un peu le cours de la vie qui court. Souvenir d'une main douce, souvenir d'une main forte. Je voudrais bien tendre la main. Prendre la main qui réconforte. Manquant tellement, manquant tellement. Je suis le petit bout qui pend, même si j'ai l'air un peu plus grand. Une image qui rend heureux, ça peut bien servir de nos jours. Une image qui arrête un peu le cours de la vie qui court. J'aime la coule douce dans ma cellule, je ressens pas trop la canicule. Dehors les gars, on les bouscule, ça chauffe dur pour leur matricule. Ils se démolissent les clavicules, à trimballer tout leur bidule. Ils se ratatinent leur petite rotule, à gambader dans leur noncule. Ils se perforent la vésicule, à boulotter que des tubercules. Ils ont les tifs pleins de pellicules à cause d'un casque ridicule. Ils se râpent la peau des testicules, au vert de gris qui émascule. Ils déambulent, se démantibulent, ils gesticulent pour des crapules. Je m'emmerde un peu dans ma géole, j'ai ma petite chanson qui s'étiole. Mais quand je pense à la farandole, là dehors, c'est moi qui rigole. Ces trous du cul qui caracolent sont des prisonniers sur parole. Des casseurs de grève bénévoles, ivres de patrie et d'alcool. Et les barjots sous la coupole discutent économie de pétrole. Voient pas les tanks qui batifolent, qui gaudriolent de col en col. Et voilà Burlet qui s'envole, il va colporter ses bricoles. Moi je me raconte la petite Nicole, je me tripote les roubignoles. Je me fais bien chier, le temps est long, je suis vraiment là sans raison. Si on était plus à dire non, il y aurait plus de place dans les prisons. Ces soldats sont des cornichons, c'est eux qui m'envoient au ballon. prennent leurs pieds à faire les troufions, trois semaines par an sans leur dondon, à saouler comme des gros cochons, à bien puer l'ail et l'oignon, à faire péter des munitions, puis à ramper devant des colons, qui iront se planquer bien profond dans leur gros gruyère à la con, quand la guerre que nous préparons nous enverra ces petits avions. Nous sommes en entretien. Oui, exactement. Je préfère entretien, exactement, c'est ça. Nous sommes en des rencontres radiophoniques. Ouais. Comment elle va, celle-là? Oui, mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien. Ouh! J'ai voulu, j'attends de transparence. Tant mieux. Plaisir de te voir. Oui, moi aussi. Salut, mon bébé. T'as vu ça? Hein? C'était bien ton concert à. Oui. Avec le père Bibu. Ouais, très sympa. Il y a des trucs à faire là-bas? Bah, tu feras une balance tout à l'heure. Mais ils sont dedans là? Ouais, tu peux y aller. Okay. Et donc, on parlait de chansons. Est-ce qu'il y a des chansons que tu ne feras plus et que tu as mis de côté et d'autres que tu adores rechanter, reprendre? C'est ton fils? Non, c'est Manu Gallaire. Ah, oh, je l'ai pas reconnu. OK. Ouais, c'est ça, parce que on aurait cru que vous étiez comme parents. Et... On s'aime beaucoup. Ah oui, c'est bien, l'amitié, ça sert à beaucoup de choses. Hein, c'est des rencontres fortes, l'amitié. C'est des gens sur qui on peut compter. C'est des gens qui nous aident dans les moments difficiles. Mais on va revenir à tes chansons. Est-ce qu'il y a des chansons que tu ne chanteras plus parce que tu ne vois plus l'intérêt, tu n'as plus de plaisir à chanter, ou chacune a encore sa petite goutte? Il y en a qui sont bien loupées quand même. Oui. Celles qui sont loupées, il faut ben, loupées, ça dépend des points. Elles sont moches, il y en a qui sont pas réussies. OK. Les chansons, tu sais faire, on est tous à vouloir réécrire comme à Ostende de Cosimon et la chanson de Margaret de Macorlan. On a tous ces très très très belles chansons. Ouais. On a pas tous le même fantasme de la même chanson, mais moi ces deux chansons-là, elles me bouleversent. Ouais. On a tous l'idée que la vie de Jean-Roger Cosimon est valable parce qu'il a écrit comme Ostende. Alors on est tous en train de se dire, quand est-ce que j'aurai écrit la chanson qui va vraiment aller plus loin que les autres, qui va rejoindre beaucoup de choses, qui va être généreuse. Alors, vous connaissez ce... Allô? Salut, Garance. Salut. Comment ça va? Ça va? Fait chaud? Et toi, ouais? Très bien, merci. Tu vas bien, t'as réussi à trouver? Ben oui, ben j'ai ton entretien. Salut, Poulette. Coucou. Il y a quelqu'un là-bas? Oui, oui, tu peux y aller là-bas. Il y a Manu qui vient d'arriver ici. Tout le monde arrive, c'est pas mal. Super, au rendez-vous. Ben c'est normal. Ben oui, ben c'est normal, effectivement, c'est normal, mais c'est bien, c'est ouais. Intéressant. Est-ce que, oui, alors tes chansons, vas-y, on parlait des... Ben tu vois, j'ai écrit Jolie Foutoir, ça fait une bonne chanson, j'ai écrit J'aime la vie, je fais des bébés, c'est une jolie chanson, mais c'est... il ne faut pas estimer qu'on puisse avoir écrit 60 bonnes chansons, c'est pas vrai. Même Dylan qui en a fait 700, moi j'arrive un petit peu, pas au bout de celle que j'ai envie de faire, mais celle que je suis capable de comprendre et de traduire, j'ai bientôt fini. Comment dire? Les chansons vraiment attachantes, il n'y en a pas 25 000. Ben, si tu te penses à Félix Leclerc ou à Gilles Vigneault, tu vas retomber toujours sur les mêmes chansons pour eux. Il y a aussi des chansons qui sont exemplaires d'eux-mêmes. Mais pas... il y a aussi des chansons qui n'ont jamais été popularisées, entre guillemets, ouais. mais qui restent quand même des qui ont du charme. Ah, mais pas du charme, mais des joyaux, mais jamais reconnus. Ouais. Tu crois pas aux joyaux jamais reconnus? Mais moi, aucune de mes chansons n'est reconnue, donc les joyaux. Les joyaux. Il y a encore des mordus de la francophonie, c'est pas tout. C'est sûr que la radio commerciale nous envahit, mais il reste encore des petites radios qui font confiance à l'intelligence des créateurs et qui diffusent et qui rencontrent ces artistes-là. Il ne faut pas non plus... Mets-toi à ma place. Oui. Il devrait y avoir sur mon compte en banque ce qu'il faut pour changer de pneu quand les pneus sont usés. Ouais, mais ça, l'argent, ça, c'est autre chose. Mais non, mais c'est une symbolique. Ouais. Le rayonnement, quand tu as du rayonnement, il y a de l'argent qui rentre. Et en l'occurrence, quand il n'y a pas d'argent qui rentre, c'est que tu n'as pas de rayonnement. Alors, est-ce que c'est délibéré parce que tu as fait le choix d'être anti-commercial et puis que tu ne veux pas? Ou bien est-ce que, comme moi, tu as fait des efforts un peu pour rejoindre les gens et que ça n'a pas marché parce que je n'ai pas fait la pute, si tu veux. Mais j'ai souvent réfléchi mes disques en fonction de me dire, attends, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens capotent, quoi? Et ça n'a jamais vraiment fait la grosse boule de neige. Je rigolais en disant que le Québec avait une grosse responsabilité dans la survivance de Alain Morisot. Savoir que Alain Morisot gagne sa vie au Québec et au Japon. Ben, gagner sa vie. Ouais, ouais. Oui, enfin bref, Sweet People, ça ben, ce qui aide, c'est qu'il reste encore beaucoup de baby boomers, mais les autres vont pas voir. Oui, mais j'espère bien. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'était aussi beaucoup de provocation dans cette phrase-là. Mais bien sûr! Oui, mais il faut prendre ça aussi comme simplement pour ça. Oui. Il faut pas en faire. Parce qu'Alain Morisot, ça dit rien. Tu demandes à un jeune Québécois de 26 ans. C'est bon. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais non, ça n'existe pas. Qu'est-ce que. Mais ça existe. C'est-tu un nouveau. Non, mais attends, le problème, c'est qu'en Suisse, il existe de nouveau. Il est quasiment le patron de la variété à la télévision suisse maintenant. Ben, c'est pire, la compagnie créole. C'est, ouais. La compagnie créole qui fonctionne bien au Québec. Ben, le mauvais goût a une place partout, hein. Mais il reste aussi des gens qui aiment la chanson française, mais des intimistes. C'est sûr que les intimistes ne font pas partie de la masse. Ouais. Mais c'est pas pareil chez vous au Québec et chez nous. C'est-à-dire que chez vous au Québec, la population qui aime la chanson, c'est pas des vieux instituteurs. Désolée, il faut que j'intervienne. Il n'y a pas de problème. Non. Ouais, mais des fois, il y a la plus belle écriture du monde de la chanson qui finit quand même par passer sur les ondes et vous avez Bernard. Voilà. Ah oui, ça c'est Bernard. Un fan absolu de Bernard. Ah oui, oui, bon. Elle sait toutes les chansons. Elle sait pas le Joual, mais elle sait toutes les chansons. Est-ce que tu connais mon oncle Serge? Non. Ah ben voilà, c'est à peu près dans la même... Ouais. Puis Pépé, sa guitare? Non. Non, ben voilà. Des fois, par miracle, la plus belle écriture, elle devient néanmoins populaire. Et puis il y a Bernard Adamus et puis il y a Alain Souchon. Ah oui, ben Souchon aussi, ouais. Et avec l'automne, mais il n'est pas encore populaire. Mais en tout cas, vous avez la coupe Alain Souchon, c'est merveilleux. Vous avez les cheveux Alain Souchon. C'est bien. Les cheveux post-chimio, c'est ça que ça a fait. Ben c'est, au moins ça repousse. Et puis la santé revient. Ouais, mais voilà, faut pas abandonner. J'en profitais pour vous dire ça, parce que j'entends votre accent depuis tout à l'heure et on est des gros fans de Adamus. On attend qu'il... Ben, c'est un chanteur marginal au Québec, il est pas connu. Oui, il vaut 40 000 copies, il faut pas déconner. Mais il est pas connu, il joue pas dans les radios. Ouais. À part c'est KRL, c'est KIA, les radios universitaires, mais Adamus ne joue pas dans les radios commerciales. Il a eu un gros succès avec son premier et son deuxième disque quand même? Pas joué dans les radios, aucune radio commerciale. Ah ouais? Ouais. Quand j'aurai 88 ans, j'irai dans les jardins publics, faucher les jouets des enfants avec mon fauteuil électrique. Ils ont un super équipement, des fusils laser atomiques, pour aller jouer les méchants au service neurogériatrique. Avec mes souvenirs de caserne, j'aurai une armée pour ma guerre, contre les crétins qui gouvernent et pour sauver les sommelières. J'en voudrais à toute la planète, de gauche à droite et au bon Dieu, en Che Guevara des buvettes, canon de rouge et menton boiteux. Pour mes 88 ans, je voudrais un fusil à lunettes, pour un peu dégommer les gens qui font des trucs pas chouettes. On devient mou avec le temps, on perd un peu le sens de la fête, alors qu'on était débattants et qu'on va mourir à perpète. L'asile au fond c'est pas très drôle. Voir des vieux cons sucrer les fraises. Moi je préfère finir en taule, où les clients sont plus balèzes. Une vie dans le divertissement, faut bien le dire c'est futile. Bien gérer mes derniers moments, faire enfin quelque chose d'utile. Pour mes 88 ans, je voudrais un fusil à lunettes. Pour un peu dégommer les gens qui font des trucs pas chouettes. Pour mes 88 ans, histoire de faire un peu place nette. Faire un monde un peu ragoûtant, mettre un coup de jeune à la planète. Je serai le papy boomer, la terreur des gros blaireaux. Me ferai d'abord Christophe Blocher qui est un garçon pas rigolo. J'zigouillerai un présentateur qui nous cause comme à des idiots. Et je regarderai dans mon viseur qu'ils aient bien fini leur tiro. Je l'aide à mourir, je l'aide à mourir. Je l'aide à mourir, je l'aide à mourir. Et y'a un truc qui m'intéresse pour mes 88 ans. Qui est pas très au point mais ça presse. C'est la machine à remonter le temps. Finir de brouter les gonzesses que je bâclais quasiment tout le temps. On n'a pas bien le sens des caresses quand on a 21 printemps. Et ma contribution personnelle à l'histoire, j'amènerai sans gêne une mitrailleuse à Guillaume Tell et un mobile au Mathiogène. Pour mes 88 ans, je voudrais un fusil à lunettes. Pour un peu dégommer les gens qui font des trucs pas chouettes. Et pour mes 98 ans, si on me libère pour bonne conduite, faudra que je demande aux enfants une belle ceinture de dynamite. Par un matin de mal de chien, pour certains qui perdent leur sang, d'autres vont bouffer de croissants et feuilleter leur quotidien. D'autres font marcher des sirènes simplement pour sauver quelqu'un. Par un matin de mal de chien, simplement quelqu'un qu'on emmène. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Dans les couloirs de l'hôpital, un ami, fils d'un autre père, d'un autre monsieur que nos pères, dont le sort est aussi brutal. On frôle un peu la tragédie, on se dit quelques mots banals. Dans les couloirs de l'hôpital, on est là pour croire à la vie. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Je venais pour le voir guérir à peu près deux fois par semaine. J'avais la joie, l'autre la peine d'être là, plutôt pour mourir ou pour voir mourir un des leurs dans ces couloirs sentant la cire. Je venais pour le voir guérir et croiser d'autres gens en pleurs. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'écrire une chanson tendre pour lui dire que ça peut attendre, qu'il peut partir une autre fois. Je pensais pas que j'aimais mon papa au point d'aimer les ambulances, les infirmières et les silences de nos visites faites à mi-voix. Avait fauché un cheval, mais ils l'ont chopé et ils l'ont embarqué sur le sol de la prison. Ils l'ont jeté une chaîne autour du cou où ça fait mal. Le vieux Riley, sa fille a appris son vieux père condamné à pendre. Le soir même au galop, elle est partie avec tout l'or que ses mains pouvaient prendre. Quand il l'a vu, le juge a dit d'un ton pervers, les yeux perdus dans un rictus étroit, ça n'est pas l'or qui pourra libérer ton père. Le prix, ma chère, ce serait plutôt toi. Ready à pleurer, je suis presque enterré. Tout ce qu'il veut, c'est se jouer de toi. Ça me tue deux fois qu'on le laisse te toucher. Remonte sur ton cheval et sauve-toi. Bien sûr, mon père, que tu vas y rester. Si je prends pas le risque d'essayer, je vais payer le prix sans prendre ton avis. Et c'est pour cette raison-là que je vais rester. L'ombre des gibets a empoigné le soir, les aboiements ont traversé la nuit. Certains parquets ont grincé dans le noir, et dans le noir, on a payé le prix. Elle a bien vu quand elle s'est réveillée que le vieux juge s'était déjugé. Elle a vu la triste branche déformée, elle a vu le corps de son père cassé. Que cette plaie accable ce juge sans pitié, qu'aucun docteur ne puisse jamais le soigner, que deux mains ne puissent jamais le toucher, que trois yeux ne puissent jamais le regarder, que quatre oreilles ne puissent jamais l'écouter, que cinq murs ne puissent jamais le cacher, que six fossoyeurs ne puissent jamais l'enterrer, que cette mort ne puisse jamais le tuer. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues, parce que dans la rue il faisait tellement froid. Toutes les dernières que j'avais aperçues avaient l'air emballées comme dans des matelas. Et c'est la première danse de Jennifer Turcotte sur une très belle toune de Céline Dion. Elle enlève d'abord joliment sa culotte, et j'attends Rock voisine pour y voir les totons. À la table à côté, trois jeunes boutonneux ont invité Suzy Meloche de Jonquière. Et là, de beaux seins blancs tout ronds au milieu, qu'elle caresse en riant puis montre son derrière. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues, parce que j'arrivais plus à penser à toi. Trop longtemps sans en voir, j'ai peur qu'on s'habitue, qu'on oublie les usages ou le mode d'emploi. On applaudit messieurs la jeune Natacha, on peut l'inviter pour une danse à Saint-Pias. Natacha de Thibaudot de Rouen-Oranda. On applaudit messieurs la jeunesse et la classe. Sur un signe elle vient sans un sourire moqueur. Elle est tellement lisse et son maillot si blanc qu'on s'ennuie quand il glisse, elle n'a aucune odeur. Son sourire est trop sain pour être bien troublant. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues, c'est vraiment pas quelque chose que je pourrais faire chez moi. La bière est pas très chère, l'ambiance est détendue, et c'est pas là qu'on croise le plus de rabat-joie. J'ai invité Sandra Touchette de Saint-Camille, un maillot léopard sur un corps presque rond. Elle dit qu'elle étudie la musicologie, comme un idiot j'avoue que je fais des chansons. Elle approuve en passant ses cheveux sur ses seins, mon nom ne lui dit rien mais elle dit en tournant qu'elle aime Michel Rivard et Richard Desjardins, puis on fait semblant que c'est intéressant. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues, parce que dans mes os j'avais tellement froid. L'enseigne au nez, on traversait la rue, je suis devenu tout pâle et rentré tout droit. Et c'est la troisième danse de Debbie Gagnon. Toute nue sur le tapis, elle fait un peu semblant devant six militaires venus en permission de se sentir toute seule et de s'aimer vraiment. Ces beaux soldats vont-ils partir pour la Bosnie? Est-ce qu'ils doivent y rester? Est-ce qu'ils n'ont pas raison d'aller goûter encore ce sourire de la vie? De la chair à saucisse à la chair à canon. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues. Elles sont un peu trop clean et trop jolies pour moi. Je resterai pourtant leur victime assidue. Je les aime en cachette et puis chacun sa croix. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues. Je les aime en cachette et puis chacun sa croix. Je suis allé voir danser les jeunes filles toutes nues. Y'a ceux qui ont des gros chiens qui décorent les trottoirs, ceux qui ont des BMW, ceux qui ont carrément rien, qui pleurent seuls dans le noir ou picolent devant la télé. Moi j'ai mon moyen pour planquer mon cafard. J'suis un crétin multiplié. Oh, oh, oh. Moi j'ai mon moyen pour planquer mon cafard. Je suis un crétin multiplié. Oh, oh, oh. J'aime la vie, je fais des bébés. J'aime la vie, je fais des bébés. Oh, oh. J'aime la vie, je fais des bébés. J'aime la vie, je fais des bébés. À moitié mon cœur qui bat dans sa poitrine à la vitesse d'un cœur d'oiseau. Je goûte à mon bonheur en beurrant les tartines avant de partir au boulot. C'est à moitié ma main qu'elle me met dans la mienne en descendant les escaliers. Main qui ne pèse rien dans la danse aérienne. Un petit plaisir journalier. Oh, oh, oh. J'aime la vie, je fais des bébés. J'aime la vie, je fais des bébés. Oh, oh. J'aime la vie, je fais des bébés. J'aime la vie, je fais des bébés. C'est à moitié mon corps qui joue dans la baignoire. Bientôt plus rien à gicler. C'est à moitié ma mort remise un peu plus tard que d'avoir le droit d'effleurer la joie multicolore de ses gestes épars et ses quelques cheveux de blé. La joie multicolore de ses gestes épars et ses quelques cheveux de blé. Oh, oh, oh. J'aime la vie, je fais des bébés. J'aime la vie, je fais des bébés. Oh, oh, oh. J'aime la vie, je fais des bébés. J'aime la vie, je fais des bébés. Faudrait faire quelque chose, se disait-il en lisant son journal. Non mais c'est vrai, vous trouvez ça normal, ajoutait-il d'un ton morose. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons partout. Il voyait des nichons partout. Non mais c'est vrai, le vieux monde est pourri, et l'argent est trop cher. Ah, à 10%, comment faire une affaire? Tu parles d'une cochonnerie. Ah, que le monde est mal fichu, mais il n'a jamais rien foutu. Il voyait des nichons partout. Il voyait des nichons partout. Ah,